Alors, vous venez d'écouter Les Déserteurs avec leur titre Le travail rend libre. Alors, ce titre est précédé et suivi de ce très touchant témoignage qui fait un peu écho à moi, ce qui m'énerve. Bah, ce qui m'énerve, entre autres, c'est tout ce qui tourne autour du revenu garanti ou du salaire à vie ou quelle que soit la manière dont il se nomme. Ça m'a jamais vraiment paru différent des diverses allocations que nous touchons déjà et qui seraient remplacées au rabais. Alors c'est pour ça que je vais vous présenter le dernier livre d'Aude Vidal. Il s'appelle « Le revenu garanti, une utopie libérale ». Alors il vient d'être édité aux éditions du Monde à l'envers au premier trimestre 2020. Aude Vidal est une enfant de l'écologie. Elle a animé la revue écologiste qui s'appelle « L'an 02 ». Elle est l'auteur de reportages sur les mondes malais et aussi elle a écrit des essais critiques sur le libéralisme et l'écologie. Alors Dylan avait présenté Aude Vidal dans une émission précédente avec l'ouvrage « Après l'égologie, écologie, individualisme et course au bonheur » aux éditions de l'Échappée. Et ça m'avait bien plu, alors je me suis dit que je continuerais sur sa lancée. En fait, le thème du revenu garanti fait entièrement partie des idées libérales qui imprègnent les milieux militants. Et c'est justement ce que l'autrice tente d'analyser. Alors, celles et ceux qui rejettent le travail dans toutes ses formes n'y trouveront sans doute pas pleine satisfaction. Mais parce que, en fait, bon, au-delà de la condamnation sans condition qu'elle fait du salariat, au-delà de la dénonciation des formes d'aliénation que celui-ci entretient, elle condamne bien les formes de travail que notre société capitaliste impose, mais en échange, elle propose une réflexion sur le travail dans une forme qui permette effectivement à chacun et chacune de créer, d'être en lien, d'y trouver une reconnaissance du collectif dans une activité certes contraignante, mais potentiellement émancipatrice. Alors ce qu'elle dénonce, c'est que ce revenu universel, ce revenu universel ce qu'il propose, c'est un moyen de combler un besoin vital individuel, effectivement, qui est tout à fait nécessaire, mais il participe également à un renforcement, ou bien au moins à un maintien des inégalités de classe, car il propose effectivement une réflexion sur la consommation, mais pas du tout sur la production. Alors je vais vous lire un extrait qui montre bien la subtilité de sa pensée, même si tout le livre en est rempli. Alors je vais poser mon téléphone pour continuer l'enregistrement. En pouvant lire, le revenu garanti semble une mesure sociale s'il en est. Redistribution des richesses, lutte contre la pauvreté et la précarité. Il est pourtant défendu autant par des personnalités libérales comme Philippe Van Parijs, qui prise autant la solidarité que la possibilité pour l'individu de faire des choix libres de contraintes, que par des néolibéraux. C'est une version au rabais, avec des montants qui ne permettent pas d'avoir une vie matérielle décente, qui est discutée, testée ou mise en place. Après des expérimentations de moindre échelle, comme en Finlande ou aux Pays-Bas, c'est la France de Macron qui pourrait, à l'heure où j'écris ces lignes, être la première à mettre en œuvre ce revenu garanti au rabais à travers un revenu universel d'activité de 750 euros environ, allocation logement comprise. Alors tout calcul fait, c'est un tiers de moins que les allocations spécifiques que sont le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé qu'il devrait remplacer. Et c'est toujours moins que le RSA à taux plein. L'idée force des gouvernements néolibéraux qui créent un succès d'année de revenus garantis, c'est de simplifier les aides sociales. Pour les administrer, ça évite le non-recours à des droits qui sont acquis en droit mais perdus de fait par des difficultés à monter des dossiers sociaux. Le non-recours concerne effectivement entre 20 et 40% des ayants droit dans les pays de l'OCDE. Et c'est un problème grave puisque les personnes qui peinent à faire valoir leurs droits sont aussi celles qui en ont le plus besoin. Mais pour l'État, un revenu unique et automatique permet de simplifier son action en réduisant notamment les frais de traitement des dossiers sociaux. Le néolibéralisme, après avoir dénigré l'État-providence, ne prendrait-il pas son relais? Donc voilà pour l'extrait. Et je vais terminer cette présentation avec un morceau de musique des chômeurs profiteurs anonymes. Mais de toute façon, n'ayez crainte, parce que même s'ils disparaissent, d'autres allocataires seront toujours les profiteurs de la société du revenu universel. On aura toujours quelqu'un sur qui cracher. Études qui te passionnent, tu veux qu'on te plaît. Ta PlayStation, tu veux qu'on te plaît. Quand tu déprimes, tu veux changer de petite copine. Tu refuses tous nos bons conseils, tu veux tes 10 heures de sommeil. Tu voudrais choisir ton boulot, tu crois pas que t'en demandes un peu trop. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. On est debout. Pendant tes grasses matinées, on donne nos bras à la patrie alors que tu danses toute la nuit. Quand tu contestes et que tu doutes, sais-tu combien tu nous coûtes? Nous on se sort les pouces du cul, toi tu restes bien assis dessus. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. Tu veux le beurre et l'argent du beurre, tu n'aimes ni le front ni la sueur, tu n'es rien foutu de faire, mais tu rêves d'un bon salaire. Si tu ne trouves pas de boulot, y'a des caisses libres à la micro, des rues où ramasser le compost et des guichets libres à la poste. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. D'être misérable, tu as le droit d'être incapable, mais vouloir être payé pour pas pousser mes bébés dans le fond. La Suisse a dit oui au labeur, la Suisse a dit non aux glandeurs, oui au pain dignement gagné, non à la sieste subventionnée. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. On t'a pourri à l'argent de poche sans jamais te sonner les. T'aurais peut-être dû aller voter, mais t'es qu'elle n'est pas réveillée. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. Chômeur, profiteur, tu ne nous fais pas peur. Une petite chanson qui circule un petit peu en ce moment et qui pourrait être reprise liée à ce qui se passe sur l'ère des gilets jaunes. On est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers, ça ne se passera plus comme ça car on est là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les hôpitaux saturés et la santé dégradée, les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les milliards aux entreprises, comme toujours, ils priorisent leur intérêt sur nos vies et sur nos droits. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Les précaires vont travailler sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. Donc moi je vais vous présenter une brochure qui s'appelle La pensée politique de Cornelius Castoriadis, le projet d'autonomie. C'est une brochure qui est trouvable sur infokiosque au pluriel.net. C'est une introduction et une présentation aux théories castoriadiennes. Donc c'est important de la lire dans ce sens-là, et je vous invite vraiment à aller dans les écrits directs de Cornelius Castoriadis. Castoriadis, c'est un philosophe, économiste et psychanalyste du XXe siècle. Il a notamment fondé avec Claude Lefort la revue « Socialisme ou barbarie » qui a été diffusée de 1949 à 1967. C'est une revue d'orientation marxiste non dogmatique, anti-stalinienne et critique de la bureaucratie et pour un communisme de conseil. Donc cette brochure, elle introduit... Enfin moi, en tout cas, ce qui m'a parlé, c'est d'introduire des concepts d'autonomie, d'hétéronomie et de praxis. Donc je vais aller là-dedans, ça va être... voilà, accrochez-vous, quoi. Pour commencer, Cornelius Castoriadis oppose deux projets. D'un côté, le projet capitaliste, qui est caractérisé par la maîtrise, la rationalité, la croissance infinie. Et d'un autre, le projet d'autonomie, caractérisé par la conscience, l'autolimitation, la responsabilité et la critique. Et bien que ces deux projets soient antinomiques, ils coexistent parfois. Par exemple, le projet capitaliste y survit par des comportements qui sont caractéristiques du projet d'autonomie, comme par exemple quand les travailleurs et travailleuses mettent du cœur dans leur ouvrage, qui au final n'est pas pour eux, mais pour leur patron, et dont ils n'auront pas les fruits, quoi. Sa critique du projet capitaliste prend plusieurs formes. La forme du capitalisme bureaucratique, qu'on a pu voir plutôt en URSS, par exemple, et le capitalisme occidental, qui est plutôt celui qu'on connaît. Mais dans ces deux formes de capitalisme, cherchent toutes les deux à ce que les gens se désinvestissent et se désintéressent des affaires communes. Et si parfois il y a participation démocratique, etc., c'est toujours pour répondre aux besoins du système, aux besoins de la rationalité économique. Castoriadis détaille aussi la séparation entre vie privée des individus et vie publique de la société. Tout est fait dans la société, dans ces sociétés capitalistes, pour que les individus se préoccupent que de leur vie privée. La vie publique, par contre, elle est laissée aux mains des spécialistes, des gestionnaires, des États. Et cette séparation entre vie privée et vie publique, il pointe le doigt aussi sur le fait qu'elle est nourrie par l'absence d'horizon commun, par l'impossibilité d'imaginer d'autres formes de société. Et par rapport à ça, Castoriadis rappelle que la société comme on la connaît aujourd'hui, avec tous ses travers, elle n'a qu'une existence sociale. Elle n'a pas d'existence extrasociale. Elle a été créée par les humains et les humaines, et donc elle peut être réappropriée par eux, par elles, par nous, quoi. Et par rapport à cette absence d'horizon, et il pointe le doigt aussi sur une critique du marxisme dans la manière dont, avec laquelle il a été interprété, transmis et appliqué parfois, notamment en zappant la notion de praxis. Et je trouve intéressant aussi cette notion de praxis, parce que Castoriadis l'a définie comme le fait d'articuler l'interprétation et les tentatives pratiques. C'est un aller-retour entre théorie et pratique. C'est quand dans un même mouvement, la théorie et l'analyse donnent du poids à l'action, et l'action, à son tour, nourrit la théorie et la critique. Dans la praxis, la théorie et la pratique se complètent et s'enrichissent mutuellement. Pour reprendre une citation de Castoriadis, « La praxis est ce qui vise le développement de l'autonomie comme fin et utilise à cette fin l'autonomie comme moyen. » Donc ça permet d'introduire l'autonomie. L'autonomie pose la question. Comment les êtres humains peuvent-ils capables de régler leurs problèmes par eux-mêmes? Un petit peu d'étymologie. Autos, le même. Logos, loi. Autonomie, exécuter les lois qu'on se donne soi-même. Castoriadis oppose l'autonomie et l'hétéronomie. Hétéros, autre. Et donc l'hétéronomie, c'est quand les êtres humains exécutent des lois édictées par d'autres, sans les comprendre et sans les contrôler. Je reprends quelques citations de Castoriadis. La règle des sociétés humaines est celle de l'individu social hétéronome, conforme à l'institution sociale et fonctionnelle pour la reproduction de cette même institution. L'autonomie, par contre, désigne l'ouverture, la mise en question. L'autonomie est liée à la capacité de la société et des individus à remettre en cause les lois, l'institution et les significations de la société. Par rapport au mot « institution », Castoriadis, il l'entend au sens strict, au sens d'outils et mécanismes de la société, comme des formes de pensée et des modes d'organisation. Et donc, il me semble que l'autonomie existe dans tout mouvement de lutte et tentative de reprendre du pouvoir sur nos vies collectivement. Ça m'a semblé important d'amener ces concepts d'hétéronomie et d'autonomie, surtout en lien avec l'actualité des mesures de confinement liées au coronavirus. Et je pense que c'est plus que jamais le moment de se renseigner, d'écrire, de critiquer, de faire exister des médias libres, merci Radio Air Libre, de parler des luttes en cours et de leur auto-organisation. Et surtout, de ne pas laisser le monopole de la parole aux spécialistes de tous bords dans la gestion de la crise sanitaire. Parce que les gouvernements auront beau nous dire qu'ils veulent ce qu'ils veulent, c'est le modèle capitaliste, raciste, autoritaire et excluant qu'ils veulent sauver. Et c'est malheureux à dire, mais c'est tout. Par exemple, en Belgique, à Bruxelles ou un peu plus largement, les expulsions domiciliaires ont été suspendues par les gouvernements wallons, bruxellois et flamands, au moins jusqu'à la fin de la quarantaine. Mais si ça a été fait, c'est pas pour être gentil avec les gens, c'est juste pour éviter la propagation du virus. Et bon, après, on peut en profiter et se dire occupons des lieux vides, il n'y aura pas d'expulsion. Si c'est un domicile de fête et si c'est une résidence principale, il n'y aura pas d'expulsion, au moins jusqu'à la fin de la quarantaine. Un dernier mot pour exprimer la solidarité avec toutes les personnes qui sont contraintes de travailler, de soigner, qui sont sans chômage technique, sans papier, sans logement ou qui vivent dans des petits espaces. Et je veux ajouter un petit truc par rapport notamment aux couples qui vivent dans des petits espaces et où la violence peut pointer le bout de son nez. Je veux quand même citer le numéro SOS Violence Conjugale qui est le 0800 30 030. Et je tiens à dire que qu'ils sont compétents, que c'est un numéro anonyme qui commence par une écoute et après une orientation en fonction des besoins et des envies des personnes qui l'appellent. Voilà, 0800 30 030. Un tout dernier mot pour exprimer de la solidarité aussi avec les camarades qui essayent tant bien que mal d'organiser l'aide mutuelle, par exemple par l'ouverture de squats ou la mise en place de cuisine collective. Alors, on va s'écouter Sauvage, Balade Nocturne. C'est un CD que vous pouvez trouver aussi dans la distro La Pinothèque ou sur SoundCloud. Sauvage, Balade Nocturne. Mais surtout pour la bague, t'étais où cette nuit quand je suis sorti? Et pour ton mère, tu sais où j'habite. Bref, je suis parti où tu sais pas. Est-ce que j'ai fait tu sais quoi? Ou trop tard t'es arrivé, juste pour voir les dégâts. T'aurais pu me pincer, t'es passé pas loin de moi. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es là pour ton salaire. Alors que nous, c'est nos vies qu'on veut rendre fiers. Pas vu, pas pris, tu connais. On esquive ta garde à petit connard. Et tu joues le déter, mais t'es qu'un lâche. Car derrière ton uniforme, tu te caches. Ben ouais, t'as pas de courage, car toi, là, te protège. Nous, à chaque coup qu'on assène, on risque la justice nous assigne. Elle nous enferme, nous écrase, nous enterre. T'es la milice qui nous traque, viens sur ta carte et ta matraque. Si t'attends la haine, si tu veux nous faire couler au fond du lac, message qu'un révolutionnaire fout toujours le feu au lac. La nuit tombe et tout devient possible. C'est pas la fin de la journée, c'est début de la nuit. Fin pré-checkpoint du matériel réuni. Faut être le moins visible et faire le moins de bruit. Tu prévois pour laisser aucune trace d'ADN. Des gants pour les empreintes, pour esquiver sirène. C'est parti, tu connais le parcours par cœur. Et quelques bagnoles de la BAC en bon rôdeur. Aller-retour hors caméra, hors flicage. Ne laisse rien nourrir l'affichage dans ton sillage. Ce soir je surine dans leurs acquis. Je me sens fier, libre et digne quand enfin j'agis. Sabotage, feu, pillage, sauvage, j'aime le carnage. C'est la vengeance des opprimés, notre rage. On se libère de notre esclavage par la destruction de toutes les cages. En commençant par la peur et au passage, j'en place une pour 16 voisins. Pour toutes les tôles, murs et l'almezan. Bien sûr que je rêve de raser toutes les prisons. Comme d'hab, je te parle de liberté et de lutte pour sa dignité, donc sans baisser son fut. La langue sur mon sort, ils veulent m'attraper, me cuisiner, j'ai une menace pour les fermer. Vas-y, vas-y, tu peux me chercher, je suis planqué dans mon terrier. On fait ce qu'on a à faire, c'est ton heure, c'est la guerre. Et je m'enfuis par une saison, tu croyais que c'est fermé, bah y'a un coup. Je cours dans les pâtures, j'ai une percée dans la clôture. Pour tamper bande de moutons, s'occupe bien de votre foison. Cherche ma trace, achète le garde, je frappe là où ne m'attend pas. J'ai le mort contre ceux qui collaborent, qui pendent la langue sur mon sort. Ils veulent m'attraper, me cuisiner, je suis une menace pour les fermiers. Vas-y, vas-y, tu peux me chercher, je suis planqué dans mon terrier. Renard, balade nocturne, balade nocturne. Ça fait toujours du bien, on n'en fait jamais assez. Ça fait toujours du bien, on n'en fait jamais assez. Te fais pas choper, ils veulent nous coffrer. Le crime doit être parfait, ou tu termines au frais. Balade nocturne. Je vais faire un tour, je reviens. Pinter vilain est un livre de Maurice Pianzola, publié aux éditions de l'Insomniac en 2015, et sous-titré « Les artistes de la Renaissance et la Grande Guerre des Paysans de 1525 ». L'ouvrage, édité originellement en 1962, revient sur les divers liens entre l'insurrection paysanne dans les régions allemandes au début du XVIe siècle et les maîtres allemands de la même période, entre l'essai sur l'histoire de l'art et le récit révolutionnaire, soulevant un pan de l'histoire cachée des débuts diablement subversifs de la Réforme. Alors que les paysans rentrent dans l'histoire en se posant en sujet politique porteur de revendications sur leurs conditions de vie, remettant en cause la féodalité, les artistes que l'on retrouve dans le livre font évoluer l'image du paysan dans leurs œuvres, peintures et gravures. Certains d'entre eux iront plus loin encore, en prenant fait et cause pour les insurgés, que l'on retrouvait aussi parmi les citadins les plus pauvres. Les revendications, sous la forme de 12 articles, ont été résumées par Voltaire dans son « Essai sur les mœurs et l'esprit des nations ». Luther avait réussi à faire soulever les princes, les seigneurs, les magistrats, contre le pape et les évêques. Münzer souleva les paysans contre tout ceci. Lui et ses disciples s'adressèrent aux habitants des campagnes en Souabe, en Misnie, dans la Thuringe, dans la Franconie. Ils développèrent cette idée dangereuse qui est dans tous les cœurs. C'est que les hommes sont nés égaux, et que si les papes avaient traité les princes en sujets, les seigneurs traitaient les paysans en bêtes. À la vérité, le manifeste de ces sauvages, au nom des hommes qui cultivent la terre, aurait été signé par Lycurgue. Ils demandaient qu'on ne levât sur eux que les dîmes des grains, qu'une partie fût employée au soulagement des pauvres, qu'on leur permît la chasse et la pêche pour se nourrir, que l'air et l'eau fussent libres, qu'on modérât leurs corvées, qu'on leur laissât du bois pour se chauffer. Ils réclamaient les droits du genre humain, mais ils les soutinrent en bêtes féroces. Récit de ce qui se passa à Würzburg en 1525. Les choses se déroulèrent à Würzburg comme ailleurs, bien que cette ville épiscopale, renfermée sur elle-même, ne fût comparable ni à Nuremberg, libre ville impériale, ni à Wittenberg, secouée par la présence de Luther, ni à l'opulente Augsbourg, ni aux bourgades de Souabe ou aux cités alsaciennes. Quand les paysans arrivèrent devant Würzburg, la ville, vue des 12 collines de la vallée du Main, semblait devoir rester à jamais subjuguée par l'énorme forteresse du Marienberg qui la domine. Il se trouva pourtant, là aussi, des hommes assez forts et assez nombreux pour lier leur sort de la cité aux paysans, contre le prince-évêque. Parmi eux, comme partout ailleurs, un grand artiste joua un rôle de premier plan. C'était le sculpteur Tilman Riemenschneider. Il avait fait toute sa carrière sous la protection et avec l'aide de l'évêque, et, maintenant, il soutenait ceux qui voulaient chasser ce prince de la ville. Pendant longtemps, des historiens ont essayé d'expliquer, à force de psychologie, comment Riemenschneider put en arriver là. Puis ils se rendirent compte qu'ils ne comprendraient jamais cette attitude, si étrangère à la leur. Ils ont renoncé, et lorsque vous aurez rêvé devant les sculptures de Riemenschneider, abrité maintenant dans le musée franconien, installé à l'intérieur de la forteresse du Marienberg, vous découvrirez une grande inscription qui rappelle quelques dates de la vie de l'artiste. Mais rien de ce qui se passa entre la Pâque et la Pentecôte de 1525. Je m'adressai à un vieux gardien qui nous guidait gentiment. « N'y a-t-il rien sur la guerre des paysans dans ce musée ?» L'homme hésita, ne parut pas comprendre tout de suite, puis me dit sur un ton de confidence, un peu complice, en se retournant vers l'embrasure d'une fenêtre. « Vous savez, Riemenschneider, il s'était mis avec les paysans, il devint leur chef, et après, ils lui ont écrasé les mains. Ainsi, tout n'est pas perdu. Le souvenir d'un homme se perpétue, qui osa prendre ses responsabilités, qui fut conséquent avec les idées humanistes qu'il avait entendu développer à la table de son maître, l'évêque. Je quittai la fenêtre et les ombres du soir qui montaient de la ville fraîchement reconstruite estompaient l'or lumineux des vignes plantées sur les glacis de la forteresse et donnaient aux statues de Riemenschneider, elles aussi, quelque chose de fraternel, de complice. Il est difficile de se rassasier de leur joliesse, de leur finesse, de leur gentillesse élégante et un peu triste. On aimerait les suspendre dans la lumière comme des dessins à la plume, lancés d'un seul trait dans l'espace. Mais le bois de tilleul dont elles sont faites est là, si vivant encore, si chaud, que je sens le parfum des fleurs que ces troncs ont un jour porté, un jour d'un printemps d'avant 1525. Car depuis cette année-là, Riemenschneider n'a plus senti palpiter sous ses doigts cicatrisés les mains de ses maris, les mains liées de son Saint-Sébastien martyrisé. En 1525, Riemenschneider atteint la soixantaine. Comme Lucas Cranach, c'est un père de famille considéré dans sa ville. Il dirige un nombreux atelier, bénéficie de larges commandes et on lui a souvent confié d'importantes charges municipales. Comment ne le connaîtront pas, pour d'autres raisons encore, dans tout le Würzburg? N'est-ce pas lui qui, en 1512, alors qu'il était conseiller aux finances, avait mis sur pied un système d'impôts si désagréable à la noblesse et au clergé que ses ordres avaient porté l'affaire devant l'évêque? N'est-ce pas lui qui avait défendu dans un procès les pauvres gardeurs de chèvres de la ville? Et lorsqu'on lui confia la direction des eaux, il le fit si bien que le conseil se plaignit qu'on consacrât tant d'argent à amener de l'eau et à creuser des fosses. Quand il fut nommé architecte municipal, ce furent les chanoines qui recoururent contre lui, parce qu'il faisait entrer dans la ville du bois destiné aux bourgeois, sans le faire passer par l'octroi dont les bénéfices revenaient au chapitre du dôme. Tilman Riemenschneider, bourgmestre de Würzburg en 1520-1521, était un homme qu'on saluait cordialement dans la rue. Et, quand vint 1525, les artisans qui revenaient de la campagne l'arrêtaient pour lui raconter ce qu'on disait dans la région des paysans, de la grande bande claire, placée sous le commandement hésitant de Götz von Berlichingen et de ceux de la bande noire, guidés par le brave chevalier Florent Gayer, qui avait accepté sans arrière-pensée les 12 articles. Tilman Riemenschneider les lut, ces 12 articles, et s'en pénétra comme d'une révélation. Il était témoin de la misère de la ville et avait sans doute observé celle des champs. Mais voir les gueux relever la tête et formuler un programme précis, propagé par une troupe qui s'appelait elle-même la confrérie évangélique. Riemenschneider rêvait en caressant sur le pas de sa porte un bloc de marbre rouge du Tyrol qu'on venait de lui livrer. Dès avril, la ville était pleine de nouvelles et des groupes dissimulant à peine leurs armes se formaient dans les ruelles des bords du Main. L'évêque décida d'intervenir. Il fit annoncer au conseil qu'il allait donner l'ordre à des cavaliers mercenaires de prendre garnison dans la ville et que les bourgeois devaient maintenant décider comment ils les hébergeraient. Rentrant chez lui après la séance du conseil, Riemenschneider savait qu'il fallait faire quelque chose contre cela, mais quoi? Quand les cavaliers approchèrent, Bermeter, le chef du parti populaire des bas-quartiers, vint le voir en compagnie du peintre Philippe Dittmar. « Maître Till, vous êtes membre du conseil, estimé de tous. Qu'entendez-vous faire contre cette nouvelle injure à nos franchises ?» Riemenschneider parla publiquement. « Pas de mercenaires dans la ville. Aux portes, aux portes !» On se passa de l'avis du conseil. Les volontaires se rassemblèrent, fermèrent les portes et se répartirent sur les remparts. Devant le fait accompli, la majorité du conseil céda à Riemenschneider et à ses amis. Elle suivit le mouvement et l'on fit mander à l'évêque, en termes patelins, que la ville se voyait hors d'état de résister aux paysans et que d'autre part, les bourgeois n'avaient ni avoine, ni foin, ni paille pour la cavalerie mercenaire. Pendant les semaines qui suivirent, Riemenschneider et les membres du conseil qui partageaient son point de vue firent plusieurs fois la navette entre la ville et les villages où campaient les paysans et entre la ville et la chancellerie du prince-évêque, lui-même enfermé dans sa forteresse. le prince fit enfin savoir qu'il avait magnanimement admis la proposition de convoquer un parlement où ses sujets pourraient se faire entendre. Après l'avoir plusieurs fois différé, au gré des nouvelles que lui apportaient des courriers envoyés par de puissants seigneurs, il fixa au 1er mai l'ouverture de cette diète. Le conseil était tiraillé de tous côtés. Les plus résolus de ses membres, soutenus par les délégués des bas quartiers, le pressaient de prendre position, de rédiger un programme. C'est ainsi que les habitants du quartier de Gonheim s'étaient entendus sur 14 articles, sorte de charte harmonisée avec les revendications paysannes de la petite et moyenne bourgeoisie, de même que des éléments plébéiens dans une certaine mesure. C'était un programme modéré sur lequel finirent par se mettre d'accord les citadins et les députés paysans rassemblés dans la ville en prévision de la diète. On rendait encore hommage au prince-évêque comme à un souverain, mais on lui rappelait que son devoir était de prêcher lui-même la parole de Dieu. Cela dit, on proposait sans embâche la suppression de tous les couvents du diocèse, devenus par leur nombre une charge aussi insupportable que vaine, leurs biens devenant propriété de la commune, qui pourvoirait aux premiers besoins des nonnes et moines rendus à la vie active. On diminuera la dîme et on abaissera le taux de l'intérêt. Un moratoire des dettes sera proclamé et l'on appliquera une réforme de la monnaie, des impôts et des droits de douane sur les marchandises entrant et sortant de la ville. Le guet et l'administration de la cité seront réorganisés sous la direction des bourgeois. La chasse et la pêche seront libres sur les terres et dans les eaux épiscopales, comme le demandaient les paysans. Enfin, la principauté serait dotée d'une constitution qui prévoirait la réunion à Würzburg, au moins 4 fois par an, d'une assemblée représentative, composée de 6 députés de chacun des 3 États, noblesse, bourgeoisie et paysannerie. Aucune représentation du clergé n'étant prévue, la noblesse serait donc toujours en minorité, mais elle continuerait d'exister, alors que d'autres programmes, inspirés par les disciples de Münzer, proposaient la suppression de la noblesse, ses membres devant quitter leur château, s'habiller comme tout le monde et travailler. C'était une charte d'union, et l'évêque se retrouva isolé. Il le vit bien le 2 mai, lorsqu'il sortit de sa forteresse et qu'il descendit en ville pour ouvrir le parlement. Il n'y eut pas d'incident, mais le prince dut traverser toute la ville dans le silence de 2 rangées d'hommes, bourgeois et paysans, armés, et si nombreux que sa suite disparaissait dans leur foule menaçante. À peine ouvert, le parlement se sépara. Les paysans avaient appris par une lettre interceptée que l'évêque ne pensait qu'à manœuvrer pour gagner du temps. Les plus énergiques l'emportèrent et ils n'avaient envoyé aucun délégué à la séance. Il ne s'agissait dès lors plus de négociations. L'évêque s'alliait à la confrérie évangélique, jurait d'appliquer les 12 articles où c'était la guerre. 3 jours après, il s'enfuyait, prenant droit à travers champs avec quelques cavaliers, juste avant que toutes les issues de la ville et de sa forteresse ne fussent contrôlées par les paysans. Il allait quérir l'aide de ses pairs. Les premiers chefs paysans se présentèrent le 8 mai devant l'hôtel de ville. Ils demandèrent des vivres, ce que le conseil leur accorda, et l'on en chargea aussitôt une pleine barque qui devait descendre jusqu'à leur camp. Tout ce remue-ménage avait attiré beaucoup de monde sur la place, où le bourgmestre expliquait la situation en s'épongeant le front. C'est alors que survinrent 3 capitaines de l'armée paysanne, qui s'adressèrent tout droit à l'assemblée. « Il faut nous dire, si vous voulez être nos frères chrétiens et nous aider à établir le règne de l'Évangile. Il n'y a qu'à répondre oui ou non. Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, nous aviserons. » Le bourgmestre estima que les capitaines devaient présenter leur message au conseil, qui pourrait examiner ce qu'il conviendrait de faire. Les 3 hommes répondirent qu'ils ne se laisseraient pas prendre à ce piège. Il n'y avait pas besoin de tant discuter, il fallait seulement leur donner une réponse. Et se tournant vers la foule, l'un d'eux cria que le temps pressait. Si ceux de Würzburg ne voulaient pas devenir leurs frères, eh bien, leurs vignes seraient arrachées avant la tombée de la nuit, foi de vignerons. Tandis que le bourgmestre, la plupart des conseillers, les chanoines et une bonne partie des bourgeois se taisaient, ne sachant trop où était leur avantage, des cris s'élevèrent sous les tilleuls qui bordaient la place. Des hommes se frayèrent un chemin jusque sous le porche de l'hôtel de ville. « Nous sommes les frères des paysans !» Les cris se firent de plus en plus fournis. C'étaient des compagnons et les gens des bas quartiers, groupés autour de Bermeter, du peintre Dietmar et du père Ambroise, qui répondaient à l'offre d'alliance des paysans. Il n'y eut pas de résistance, et la réponse populaire valut pour toute la ville. Wurtzburg entrait dans la confrérie paysanne. Les regards consternés que les chanoines et quelques conseillers jetaient en direction de la forteresse du Marienberg ne pouvaient rien contre la liesse des compagnons, qui embrassaient les capitaines de l'Évangile, tout gauche, dans leur accoutrement de fer et de cuir ramassés dans quelques châteaux franconiens. Riemenschneider passait désormais chaque jour quelques instants, parmi les fourriers des paysans, qui allaient et venaient dans les rues, monnayant du butin chez des changeurs, achetant là des provisions ou du matériel militaire. Tout se passait bien, et c'était aussi un bon augure que cet ordre naissant dans les villages et les camps des environs où s'entassaient quelques 30 000 hommes. Le printemps s'étirait, on se préparait à donner l'assaut au Marienberg, et l'on ne croyait pas trop les messagers qui venaient des forêts du sud et des plaines du Rhin, annonçant des trahisons, des défections, des massacres. Que nous importait le Württemberg, la Thuringe ou l'Alsace, alors que chez nous, sur le Main, on était prêt d'enlever la dernière et la plus haute forteresse. Un mois n'avait pas passé que tout était par terre. L'armée de la Ligue Souabe, commandée par le sénéchal de Waldburg, encerclait Wurtzburg et les assiégeant du Marienberg. La majorité du conseil, qui conspirait en cachette de Riemenschneider et de ses amis favorables à l'alliance avec les paysans, fit ouvrir le 8 juin les portes de la ville devant le mercenaire du sénéchal. Ce dernier faisait lui-même savoir aux bourgeois qu'en cas de résistance, toutes les vignes seraient arrachées et les jardins saccagés, et qu'enfin, ces hommes tueraient tous les habitants, quels qu'ils soient, de plus de 12 ans. Pour le reste, les bourgeois n'avaient qu'à aller voir de leurs propres yeux comment ces braves lansquenets traitaient les faubourgs. Il n'y restait plus un homme vivant, plus un meuble, plus un morceau de drap, plus une écuelle. Le cortège des princes avait fait une digne entrée dans la ville. Les cloches sonnaient. Les pendus se balançaient aux potences. Les soudards ivres essuyaient leurs dagues. Riemenschneider était exclu du conseil, avec 9 de ses collègues, après y avoir siégé près de 21 ans. Il voit rouler sur les pavés, avec une 60aine d'autres, la tête du peintre Philippe Dittmar. Mais il reste. Il est bientôt arrêté lui-même, transporté de prison en prison, jusqu'à ce que vienne son tour de passer à la question. Les archives sont détruites, et nous ne saurons pas combien de fois on a serré dans les poussettes, les doigts du vieillard qui avait pris au sérieux les paroles des humanistes. Combien de fois on a coincé ses jambes dans les brodequins de bois. Combien de fois. Et pour terminer cette présentation, un morceau qui nous parle d'une autre insurrection populaire, celle des Diggers, qui aura lieu plus d'un siècle plus tard en Angleterre. The World Turned Upside Down. In 1649, to St. George's Hill, a ragged band they called the Diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws. They were the dispossessed, reclaiming what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the lands in common and to make the waste grounds grow. This earth divided, we will make whole. So it will be a common treasury for all. The sin of property we do disdain. No man has any right to buy and sell the earth for private gain. By theft and murder they took the land. Now everywhere the walls spring up at their command. They make the laws to chain us well. The clergy dazzle us with heaven or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of greed who feeds the rich while poor men starve. We work, we eat together, we need no swords. We will not bow to the masters or pay rent to the lords. We are free men, though we are poor. You diggers all stand up for glory, stand up now. Men of property, the orders came. they sent the hired men and troopers to wipe out the diggers' claim, tear down their cottages, destroy their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. You poor take courage, you rich take care. This earth was made a common treasury for everyone to share. All things in common, all people one. We come in peace, the orders came to cut them down. Et je vous présente Lettre de Mordovie de Nadejda Talokonikova, édité aux éditions L'Insomniac. Qui est Nadejda Talokonikova? Elle fait partie de ce fameux groupe punk rock féministe russe originaire de Moscou, les Pussy Riot. Formé en 2011, le collectif Pussy Riot organise à Moscou des performances artistiques illégales contre le patriarcat et pour le droit des femmes, et pour s'opposer à la campagne du Premier ministre Vladimir Poutine. À la suite d'une performance jugée profanatoire dans une église orthodoxe, trois d'entre elles sont condamnées en août 2012 à 2 ans d'emprisonnement en camp de travail pour vandalisme et incitation à la haine religieuse. Le collectif Pussy Riot est constitué d'une dizaine de chanteuses et d'une quinzaine de personnes qui s'occupent, entre autres, de l'aspect technique de production des vidéos qu'elles publient sur le net. Le collectif dit s'inspirer du groupe punk rock américain Bikini Kill et de la mouvance Riot Girl des années 90. Ce collectif est notamment inspiré des actionnistes viennois qui utilisent de manière radicale la performance du corps total. Les trois jeunes femmes de ce groupe sont placées en détention provisoire en mars 2012 pour avoir, selon la justice russe, profané l'autel de la cathédrale du Christ Saint-Sauveur de Moscou le 21 février 2012 en réalisant une performance encagoulée avec guitare et sonorisation, un véritable TDM punk particulièrement iconoclaste intitulé « Marie, Mère de Dieu ». Chasse Poutine. Les paroles de la chanson sont entre autres « Sainte Marie, Mère de Dieu, devient féministe ». Ou encore « Merde, merde, merde » du Seigneur. 5 femmes du groupe ont participé à cette action, mais seules 3 d'entre elles ont été arrêtées par les flicos, les deux autres étant toujours en cavale. Le 17 août 2012, les 3 Pussy Riot ont été condamnés à 2 ans de détention en camp pour vandalisme motivé par la haine religieuse. Le juge ayant conclu que leurs actes étaient un sacrilège blasphématoire et qu'elles avaient violé les règles de l'Église. Les 3 condamnées ont refusé de demander la grâce présidentielle, mais ont fait appel. Et l'une d'entre elles aura sa peine transformée en condamnation avec sursis et sera libérée. Les 2 autres, dont Nadejda Talokonikova, voient leur condamnation confirmée. Le 23 septembre, Nadejda entame une grève de la faim et écrit cette lettre où elle raconte ses conditions de détention dans le camp de travail IK-14 en Mordovie, dont je vais vous lire un extrait. Dans une autre unité, les nouvelles couturières qui n'arrivaient pas à remplir la norme ont été forcées de se déshabiller et de travailler nues. Personne n'ose porter plainte auprès de l'administration parce que l'administration te répondra par un sourire et te renverra dans ton unité. Ou pour avoir mouchardé, tu seras roué de coups sous ordre de cette même administration. Ce bizutage contrôlé est un moyen pratique pour la direction de la colonie de soumettre complètement les détenus un régime de non-droit. Il y règne dans l'atelier une atmosphère de nervosité toujours lourde de menaces. Les filles en manque constant de sommeil et perpétuellement stressées par cette course inhumaine à la production sont prêtes à exploser, à hurler, à se battre, sous le moindre prétexte. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille a reçu un coup de ciseau à la tempe parce qu'elle n'avait pas passé un pantalon assez vite. Une autre fois, une détenue a tenté de s'ouvrir le ventre avec une scie. On réussit à l'en empêcher. Voici un extrait de ce témoignage poignant de Nadejda Talokonikova sur les conditions et le système répressif effroyable qui règne dans les camps de travail en Russie encore actuellement. Et on s'écoute tout de suite « Putin light up the fire » des Pussy Riot. Больше счастья! Окажешься рядом!